tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Quelque chose en nous du romantisme, une série d'Élise Andrieux réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a de grands sentiments et de grands paysages, et puis l'éblouissement des premières pages des confessions d'un enfant du siècle. Et enfin, le plaisir coupable que l'on a parfois à se rouler dans le désespoir parce que c'est tellement beau. Et cette question, et si finalement tout finissait bien? Alors pour commencer, les personnages. Une grimpeuse un peu poète, une professeure emportée par Notre-Dame, le grand homme par excellence, un poète aux cheveux longs, un universitaire qui s'est dédié et un homme de dialogue. Ensuite, le décor. Des blocs de pierre, la forêt, le petit matin, une nature transcendante, un deuil amoureux, des arbres comme des refuges, la marche en montagne, des éblouissements, la cathédrale Notre-Dame et son parvis avant le grand incendie, la consolation, les idéaux, la lumière, l'ombre, le soleil couchant et une grotte rassurante. Aujourd'hui, 4e épisode, on escalade un rocher. Ah, c'est joli, il y a des petites vasques. Ça sonnait comme il a plu. Vous êtes vite grimpé. Hein? Vous êtes vite grimpé. C'est haut? C'est pas très haut, mais je suis quasiment à hauteur du sommet presque des bouleaux. Donc c'est très beau parce que je vois tous ces troncs argentés autour de moi. Alors ce qui est joli, c'est que c'est un bloc assez bas, donc il est assez aisé à gravir, et au sommet, comme il a plu, il y a des toutes petites, des petites mares d'eau avec la mousse qui scintille. Le soleil vient juste de sortir, donc c'est assez merveilleux. Les pins qui prennent la lumière. Sentir le rocher sous ses doigts, ça donne tout son sens à l'escalade. C'est vrai qu'ils sont beaux, ces arbres. J'ai toujours ressenti une attirance pour la beauté de la montagne, pour sa pureté, pour son silence, qui est un silence habité. Il y a des grondements, vous entendez une hirondelle vous frôler, virevolter, là on entend un petit oiseau. On rejoint, je pense, un peu notre corps animal quand on est dans la nature et quand on est en montagne encore plus. Et ça, j'aime beaucoup ce sentiment. Et il n'est pas en contradiction avec ce sentiment un peu romantique de l'élévation, finalement, parce qu'on recherche cet état peut-être un peu de pureté, un peu primitive. Quand on lit par exemple certains poèmes de Victor Hugo ou certaines évocations des éléments, de la puissance du rocher comme ça qui fait front face à un océan, on ressent cette espèce de vénération pour le miracle de la force naturelle en fait. Je suis l'homme romantique. Je m'étais mis en marche pour contempler, ressentir, fuir. Et voilà que je parviens à m'élever. L'absolu que je cherchais depuis le XVIIIe siècle, je le trouve en cueillant la fleur bleue de Novalis, ou dans la foule en masse lorsque je deviens Victor Hugo. J'emprunte un chemin politique, et j'invente la fin de la misère, la fraternité retrouvée. J'emprunte un chemin intérieur, et je me rencontre moi-même, malgré mes ombres, toute auréolée de ma propre lumière. Je suis l'homme romantique et je me suis trouvé. Quelque chose en nous du romantisme s'élever vers la lumière. Un documentaire d'Élise Andrieux et Véronique Samouilov. On est sur le parvis de Notre-Dame de Paris, donc on a le fronton devant nous et les tours qui s'élèvent vers un ciel un peu gris aujourd'hui et il fait très froid. Et puis on a cette forme qu'on a souvent associée à Hugo justement de H qui est la forme du fronton de Notre-Dame de Paris. Mais un petit peu comme Victor Hugo devant le mur des siècles, hein, dont il parle dans sa préface à la nouvelle série de la Légende des siècles. C'est l'idée que les siècles se succèdent, avec la question de savoir s'il y a une élévation de l'humanité vers une plus grande hauteur de vue. Est-ce que l'humanité progresse ? Hugo a aussi l'idée que l'humanité est capable de retomber dans la barbarie. Je suis Florence Nogrette, je suis professeure d'histoire et théorie du théâtre à la Sorbonne et spécialisée dans le 19e siècle et la littérature romantique, et Victor Hugo en particulier. Hugo a eu une évolution politique assez extraordinaire puisque quand il était jeune, il était ultra-légitimiste, donc monarchiste et très conservateur, et qu'il est devenu petit à petit libéral, puis républicain sous la Seconde République, puis encore plus républicain quand il était opposant à Napoléon III sous le Second Empire. Et vers la fin de sa vie, il est socialiste, il siège sur les bancs de l'Assemblée à l'extrême gauche. Et les causes pour lesquelles il a milité, et qui tout ont à voir avec l'élévation de l'homme, c'est l'abolition de la peine de mort. Une autre cause, c'est la charité. Il a aussi observé la misère dans les caves de Lille, où il est allé faire une mission d'observation, une enquête, et où il a vu la promiscuité, les conditions d'hygiène terribles, déplorables, dans lesquelles s'entassaient des familles d'ouvriers. Il a été sensibilisé à la misère aussi par Juliette Drouet, sa compagne, qui elle-même est d'origine très modeste et a connu le ruisseau, ce qu'elle appelle le ruisseau, c'est-à-dire certainement la prostitution. Et puis Hugo a connu la misère, non pas matérielle, mais la misère morale. Le deuil de sa fille Léopoldine, il avait 40 ans à cette époque-là, à peu près, l'a plongé dans une grande dépression, et dans une grande détresse, dont il a eu du mal à se sortir. Il a eu besoin de beaucoup d'amour autour de lui pour s'en sortir. Hugo a connu une misère aussi sociale, en étant désocialisé à partir de son exil, à partir du moment où il a dû partir en exil, d'abord à Bruxelles, puis à Jersey, puis à Guernesey. Et il s'est retrouvé dans une solitude qui lui a permis de se recentrer sur lui. Et c'est en exil, au fond, finalement, qu'il a publié ses plus grands chefs-d'œuvre. C'est vraiment, finalement, dans la détresse morale qui était la sienne en exil, qu'il a trouvé la force de s'élever le plus haut dans son œuvre. C'était une soirée chaude et claire. La lune se montrait avec son doux brillant au-dessus des monts et faisait naître chez tous les êtres des rêves d'enchantement. Comme un rêve du soleil lui-même, elle s'étendait sur ce monde tout intérieur des rêves et ramenait la nature morcelée entre des frontières innombrables au temps fabuleux des origines où chaque germe dormait encore en soi, songeant vaguement et en vain, dans son intacte solitude, à déployer la plénitude obscure de son être immense de richesses et de possibilités. Donc là, on a un peu tout, la lune, le soir brillant, le rêve, on est vraiment dans une sorte de tableau romantique, presque un tableau de Friedrich, quoi, d'une certaine façon. Mais ce qui est très beau, je trouve, en relisant ce passage d'Henri d'Ofterdingen, c'est que Novalis, il voit finalement la nature comme s'il était dans une cathédrale. Et cette idée que c'est la nature qui devient, d'une certaine façon, le nouveau temple, dans lequel cette élévation religieuse va être possible. Donc il y a et les romantiques vont souvent chercher dans la nature, le lieu d'une expérience de transcendance, d'une expérience de dépassement de soi. Donc je suis Olivier Schoeffer. Je m'intéresse à l'œuvre de Novalis depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé beaucoup sur la période romantique et aussi sur ce qu'on pourrait appeler ses résonances dans la période moderne, voire contemporaine. Alors, comment j'ai rencontré Novalis? C'est la fois où j'ai vu son portrait, à vrai dire. Un portrait très connu qui représente Novalis, jeune homme avec des cheveux longs, comme voilà, on se représente souvent les romantiques, et des yeux immenses, des yeux mais vraiment incroyables, tournés vers on ne sait pas trop où. Sur le moment, je me suis dit, mais on dirait un poisson des abysses. Enfin, vous savez, c'est ces animaux qui ont un regard étrange, parce qu'ils ne voient pas la même chose que nous. Et ils sont dans une matière, une profondeur. Et en même temps, une tête d'ange, d'androgyne presque. Enfin, on ne sait pas si c'est un jeune homme ou une jeune fille. Et c'est vrai que chez lui, la question du regard est très importante. Hein, dans les hymnes à la nuit, donc son journal poétique du deuil, on pourrait dire, après la mort de Sophie von Kühn, hein, sa jeune fiancée, il raconte voilà, sa douleur, comment il la transfigure aussi. Et il évoque à un moment donné les yeux infinis que la nuit a ouverts en nous. C'est étonnant parce que quand vous m'avez contacté la première fois pour parler d'élévation, parler d'élévation chez Novalis, moi c'est pas la chose à laquelle je pense immédiatement, l'élévation chez lui, parce que effectivement tout passe d'abord par un enfouissement, un enténébrement. Hein, il descend dans la nuit comme il descend dans la grotte, dans Heinrich von Ofterdingen. Comme il descend dans sa douleur jusqu'au fond, pour ensuite effectivement en ressortir. Mais cette élévation, évidemment, c'est une ascension spirituelle. Hein, donc elle n'est possible que si on a fait l'épreuve de ce dont il faut s'alléger, précisément, de ce qu'il faut traverser pour le transformer aussi. Donc n'oublions pas que dans le romantisme, d'une façon générale, et dans ce romantisme-ci en particulier, le moi, l'intériorité est la clé de voûte du monde, en fait. Le Novalis dit dans un de ses textes, nous rêvons de voyages à travers l'univers, à quoi bon, alors que l'univers est déjà en nous. On descend, on monte, mais on ne sait plus par où on descend. Hop, j'arrive. Ah oui, c'est fini. Oui, c'est ça. Pour avoir plus de précision, il faut que le pied soit vraiment parfaitement... comme ça, bien intégré dans le chausson. Parce qu'en fait, les pieds sont extrêmement importants en escalade. On a souvent tendance à penser que l'escalade, c'est un peu une activité de vertige, de funambule, alors que moi, je la vois plutôt comme une activité d'ancrage. C'est-à-dire qu'on apprend à faire confiance à des choses beaucoup plus subtiles. D'en bas, on a l'impression que ce n'est pas des vraies prises. Et en fait, quand on grimpe, on peut parfois pousser sur des choses infimes. Donc, c'est apprendre à tout près son équilibre sur du vent. S'élever sur du vent. C'est quoi ce livre? La valise. Ah oui, je vous ai donné un passage que l'on pourra lire. Oui, d'accord. Ah oui, avec plaisir. C'est quand il y a un pèlerin qui marche dans la montagne. Parce que je l'ai lu dernièrement. Comment vous vous appelez ? Stéphanie Baudet. Je suis grimpeuse, alpiniste aussi. Ce que j'aime profondément, en fait, c'est ce rapport au rocher, à la matière, avec les structures qu'elle offre, les petites aspérités, les adhérences sur lesquelles il faut avoir confiance pour pousser à la fois avec ses pieds et puis tirer avec ses doigts. Voilà, c'est ce qui me plaît. Puis quand on grimpe pour aller vers le haut. Et ça vous procure un sentiment d'apaisement, enfin moi en tout cas, d'apaisement profond. Je me souviens très bien de mes grands-parents dans le Périgord qui avaient une vieille maison, qui avait des arbres magnifiques. je crois qu'il y a un séquoia, enfin des choses très belles, et j'avais toujours envie d'aller grimper aux arbres. Et je me souviens de ma grand-mère de loin criant « Stéphanie, redescends !» Et j'avais une envie, c'était d'aller encore plus haut, parce que c'était la liberté. Je pense que j'ai été une enfant toujours assez fragile, souvent malade, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont ouvert tout de suite à une pratique de la randonnée, de la marche en montagne, qui m'a donné cette respiration finalement intérieure dont j'avais besoin. Et la rencontre avec l'escalade a été un coup de foudre, vraiment. Je me souviens d'un éblouissement, je crois que j'avais 14 ans et demi, 15 ans, la première fois que j'ai fait une grande voie. Et donc cette première grande voie, c'était le Mont-Aiguille, dans le Vercors. Et c'est un sommet absolument magique, c'est comme une citadelle de pierre qui fait 200 ou 300 mètres, je sais, non peut-être 200 mètres simplement, et qui est très belle parce qu'au sommet vous arrivez dans une prairie, une sorte de prairie suspendue comme ça entre la terre et le ciel. Et je me souviens de ce petit troupeau de chamois, de cette harde de chamois qui était là et qui vit là, on ne sait pas trop comment elle est arrivée là. Et c'était merveilleux ce sentiment, et je me suis dit « mais c'est ça que je veux faire ». Tief gerührt von heiliger Güte und versenkt in selges Schauen, steht der Himmel im Gemüte, wolkenloses Blau. Lange fliegende Gewande tragen uns durch Frühlingsauen, und es weht in diesem Lande nie ein Lüftchen, kalt und rau. On a le ciel au fond de l'âme, d'un bleu pur, sans nuage. De longues robes voltigeantes nous portent par les champs printaniers. Quelques mots peut-être sur Novalis lui-même, hein, sur cette figure. On peut dire qu'il est déjà, il est né à la fin du XVIIIe siècle, hein, en 1772. En Thuringe, en Allemagne, on dit qu'à vers ses 7 ans, il tombe gravement malade d'une dysenterie dont il a failli mourir. Finalement, il en ressort, un de ses frères, Karl, nous dit qu'il en ressort transfiguré. Son esprit s'éveille après cette terrible maladie. Et donc c'est quelqu'un qui va suivre des études de philosophie assez jeune, hein, en fait. Il assiste, par exemple, à certains cours de Fichte. Pour le dire peut-être en un mot, c'est le grand penseur moderne de la liberté, comme un absolu, voilà, qui est très important pour les romantiques. Et sa vie est ponctuée, sa brève vie, parce qu'au fond, voilà, il meurt, n'oublions pas, en 1801, il a 29 ans. Et ce qui est c'est fascinant dans son existence, c'est qu'au fond, tout est très ramassé. Donc il y a ce moment de formation, hein, que j'évoquais en quelques mots. Et puis, il y a sa rencontre avec Friedrich Schlegel, qui est donc un des membres importants de ce qu'on appelait le premier romantisme allemand, qui est un écrivain, un philosophe, c'est une rencontre d'amitié et presque d'amour à la fois. Enfin, ils se sont trouvés, quoi. Il y a un truc absolument fascinant. Chacun se reconnaît dans l'autre. Ils ont des projets communs, à tel point que ces romantiques-là décident d'écrire des choses à plusieurs. Friedrich Schlegel avec August Wilhelm Schlegel, son frère. Les deux fondent une revue qui s'appelle L'Athénum, qui est vraiment la revue fondatrice de ce premier romantisme allemand. Et dans cette revue, sont publiées toutes sortes de contributions, notamment des textes sous forme de fragments, et dont certains ne sont pas signés par leurs auteurs. Donc délibérément, ces romantiques-là effacent leur propre identité. Ce qui est très intéressant, parce qu'on voit souvent dans le romantisme l'expression par excellence du moi, de l'ego. On oublie trop souvent que les romantiques pense le collectif, se pense dans un travail collectif très important. Donc cette période-là est tout à fait décisive, hein, cette rencontre-là est décisive. C'est le moment d'ailleurs où celui qui ne s'appelait pas Novalis va prendre un pseudonyme et qui signifie en fait une terre à défricher. Et puis aussi, il faut évoquer, parce que cette existence est très dense, le fait que Novalis va suivre une formation d'ingénieur à l'école des mines de Freiberg. Il apprend les rudiments des mathématiques infinitésimales, de la géologie, de la cristallographie, de la chimie de l'époque, etc. Donc c'est un savant, en fait. Il se trouva bientôt devant la pente raide d'une gorge rocheuse escaladant une montagne. Et il eut à gravir la pierraille moussue qu'un torrent autrefois y avait fait rouler. Plus il avançait dans son ascension, plus la forêt s'éclaircissait. Et il finit par déboucher sur l'herbe d'un petit pré étalé à mi-pente. Au-delà de ce pré se dressait la pique d'une haute falaise. Mais il vit, à sa base, une ouverture qui avait l'air d'être l'entrée d'une galerie creusant le roc. Il s'y engagea et suivit fort commodément cette galerie qui le conduisit, au bout d'un certain temps, jusqu'à un vaste élargissement de la voûte qu'il avait aperçue, de loin, resplendissant d'une vive lumière. Maintenant, nous sommes rentrés dans Notre-Dame, dans la nef, puis dans le transept, et on va entamer l'ascension des tours. Suspendu au milieu de l'église, dans un endroit où personne, en principe, ne peut accéder. Donc on a beaucoup de chance. On est à mi-chemin, donc on a encore un effort à faire. Il y a une très belle lumière dorée, un petit peu violette aussi. Et chez Hugo, l'ombre et la lumière ne s'opposent pas radicalement, en fait. D'ailleurs, il y a un de ses recueils qui s'appelle « Les rayons et les ombres ». Hugo cherche parfois le bien à l'intérieur du mal, au fond même du mal. Ces personnages ne sont jamais totalement antithétiques. Ou alors, quand il y a une antithèse chez Hugo, l'antithèse lui permet de penser la totalité. Donc, toute chose en ce monde est complexe. Par exemple, quand Hugo parle des grands chefs politiques ou des grands chefs de guerre. Il en fait l'éloge généralement dans leur modestie, dans leur petitesse, dans leur sens de la charité. Le sublime, chez Hugo, c'est pas forcément toujours le grandiose. Ça peut l'être, mais on peut aussi trouver le sublime dans le petit. Prenons un exemple. Le poème de la légende des siècles, après la bataille, célèbre son père, son propre père, qui était un général de l'armée napoléonienne. Mais il le célèbre non pas en tant qu'il a gagné une bataille, il le célèbre après la bataille, au moment où il est généreux, où il est charitable avec un opposant. Il lui en aide au lieu de le laisser agoniser de soif. Donc c'est le fameux vers « Le coup passe à si près que le chapeau tomba ». Au lieu de se venger du soldat de l'armée espagnole en déroute, qui a essayé de le tuer in extremis, il lui donne à boire, et c'est le dernier vers du poème qui est si célèbre, « Donne-lui tout de même à boire, dit mon père ». Il y a aussi chez Hugo de très nombreux exemples d'actes sublimes, d'actes héroïques, accomplis par des petits. Par des pauvres, par exemple dans Les pauvres gens. Les pauvres gens, c'est un poème de la légende des siècles dont les héros sont le pêcheur et sa femme, Janie. Janie, un soir, qu'elle rentre chez elle, tandis que son mari est parti à la pêche de nuit, ouvre la porte de sa voisine, voit sa voisine morte, laissant deux petits-enfants. Et sans réfléchir, et malgré la très grande pauvreté dans laquelle elle se trouve avec son mari, puisqu'ils ont déjà 5 petits et des difficultés à les nourrir, sans réfléchir, tout naturellement, elle prend avec elle les enfants. Une fois arrivée chez elle, elle craint la colère de son mari quand il rentrera et qu'il découvrira qu'elle a rajouté 2 bouches à nourrir à leur ménage qui est déjà trop nombreux. Et quand le mari rentre, en poussant la porte de chez lui, en disant « c'est la marine » pour annoncer son retour, Jeannie prend des précautions pour lui raconter ce qu'elle a vu, c'est-à-dire la voisine morte et les deux petits, le petit garçon et la petite fille, à ses côtés. Si vous voulez, on peut lire quelques vers ici à Notre-Dame de Paris. L'homme prit un air grave et jetant dans un coin son bonnet de forçat mouillé par la tempête. « Diable, diable !» dit-il en se grattant la tête. « Nous avions 5 enfants, cela va faire 7. Déjà dans la saison mauvaise, on se passait de souper quelquefois. Comment allons-nous faire ?»« Bah, tant pis, ce n'est pas ma faute, c'est l'affaire du bon Dieu. Ce sont là des accidents profonds. Pourquoi donc a-t-il pris leur mère à ses chiffons? C'est gros comme le poing. Ces choses-là sont rudes, il faut pour les comprendre avoir fait ses études. Si petit, on ne peut leur dire « travailler ». Femme, va les chercher. S'ils se sont réveillés, ils doivent avoir peur tout seuls avec la morte. C'est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte. Ouvrons aux 2 enfants. Nous les mêlerons tous. Cela nous grimpera le soir sur les genoux. Ils vivront, ils seront frères et sœurs des 5 autres. Quand il verra qu'il faut nourrir avec les nôtres cette petite fille et ce petit garçon, le bon Dieu nous fera prendre plus de poissons. Moi, je boirai de l'eau, je ferai double tâche. C'est dit, va les chercher. Mais qu'as-tu, ça te fâche? D'ordinaire, tu cours plus vite que cela. Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux. Les voilà. Je m'appelle Patrick Vivray. Pour moi, ce qui me paraît de l'ordre de l'élévation et qui est aussi bien dans l'ordre de la transformation personnelle que de la transformation collective, c'est grandir en humanité. C'est-à-dire, c'est un thème qui est beaucoup utilisé par un réseau international qui s'appelle Dialogue en Humanité, dont je suis un des cofondateurs. Et l'enjeu, c'est vraiment de dire, à un moment où l'humanité a un carrefour critique de son histoire, où elle peut se perdre, elle a même l'embarras du choix dans la façon de se perdre, elle peut détruire ses écosystèmes vitaux, elle peut s'auto-détruire par armes de destruction massive, elle peut aussi être dans une forme de fatigue d'humanité, des courants comme le transhumanisme, finalement, ça serait plus simple avec des robots que avec les humains et leurs passions, et plutôt que cette piste-là, ce à quoi je crois, avec beaucoup d'autres, c'est à la possibilité que l'humanité franchisse un seuil qualitatif dans la voie de sa propre humanisation. Et là, d'ailleurs, on n'est pas très loin de ce que dit Victor Hugo. J'ai retrouvé la préface de Hugo de La Légende des siècles, et quand Hugo dit « exprimer l'humanité dans une espèce d'œuvre cyclique, la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects, histoire, fable, philosophie, religion, science, lesquels se résument en un seul et immense mouvement d'ascension vers la lumière ». Ben, on pourrait le redire textuellement dans les mêmes termes aujourd'hui. Et ce qu'on appellerait utopie, mais pas au sens littéral du terme, mais la radicalité d'un projet transformateur, c'est ce à quoi nous invitent les anciens pilotes de chasse quand ils sont devenus astronautes et qui passent d'une logique de guerre, de domination, celle des pilotes de chasse, à la logique d'émerveillement, qui est celle de l'astronaute. Quand un astronaute voit pour la première fois la Terre vue de l'espace, le premier terme qu'il emploie, c'est le terme d'émerveillement. Ce changement de posture va nous amener à considérer que ce qui menace l'humanité, c'est pas des puissances extraterrestres étrangères, c'est pas des barbares d'autres galaxies, c'est notre propre part d'inhumanité. Donc à ce moment-là, c'est la question de la barbarie intérieure. Je crois que la grande question, ça n'est pas de sortir de l'humanité, mais c'est au contraire de l'épouser pleinement, y compris l'épouser avec sa part d'ombre. à mon avis, c'est un travail d'ordre politique que l'humanité doit faire sur elle-même, qu'elle est en train, à certains égards, de faire sur elle-même aujourd'hui. Tout être humain à sa place, hein, c'était l'analyse de la grande philosophe Hannah Arendt qui disait, au fond, qu'est-ce qu'un système totalitaire ? C'est un système qui considère qu'il y a des humains en trop. Eh bien, la pleine humanité, c'est à la fois de dire tout être humain a le droit et la possibilité de se mettre debout, pas simplement d'être dans une logique de survie. Je pense que l'humanité, précisément parce qu'elle est confrontée au fait qu'elle pourrait en finir, elle l'amène aussi à se poser la question de qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'intérêt, de la passion de vivre l'humanité. C'est les bûcherons, je pense, c'est les bûcherons. Ouais. Une fois, ça m'arrive en montagne de tester un peu la prise avant de poser le pied. Je tape un petit peu sur la prise quand c'est une écaille fragile pour être sûr qu'elle tienne. Parce que sinon, on a. Ou alors, ça m'arrive de taper aussi comme ça. Et selon le son que produit l'écaille sur laquelle je grimpe, je vais savoir si elle est solide ou pas. C'est très important parce qu'on ne peut pas s'agripper sur un truc qui risque de tomber, quoi. Alors en escalade, la chute fait complètement partie du processus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir progresser, vouloir être sur un chemin de cette quête un peu d'absolu, de toujours des choses encore plus belles, encore plus pures, et de ne pas vouloir chuter par moment. C'est-à-dire que la chute, c'est pas du tout un échec. Au contraire, c'est simplement une étape, et c'est nécessaire même. Donc il m'est arrivé aussi de vivre une chute qui aurait pu m'être fatale. Au Maroc, quand je marchais au sommet d'une montagne, on avait équipé une voie et on voulait redescendre, la nettoyer, puis finir d'ouvrir. Et là, avec mon sac à dos, en fait, qui était trop chargé, trop lourd, j'étais dans une forme de course. J'essayais de rejoindre mes amis devant, souvent des hommes très costauds et qui avaient plus la forme que moi. Et j'ai chuté bêtement. Je me souviens très bien d'avoir eu peur quelques mètres avant, parce qu'à gauche, il y avait vraiment 800 mètres de vide. Il y avait la falaise qui dévalait. Et juste après, une fois sortie de ces difficultés, là j'ai ma semelle qui accroche une aspérité du rocher et j'ai basculé et j'ai fait deux sauts périlleux avant en fait. J'ai clairement vu une falaise de 30 mètres et un pierrier en bas qui m'attendait. Et je me suis dit, c'est dommage, ça se finit si bêtement. Enfin, j'étais sûre que j'allais mourir. Et je me suis agrippée comme par miracle à un caillou qui était dans la pente, donc 2 mètres avant le rebord de la falaise. Et donc pour moi, ça a été une chute autant physique qu'intérieure, parce que j'ai eu le sentiment que j'étais allée trop loin, peut-être dans cette recherche un peu frénétique d'escalade toujours de plus en plus difficile, où j'étais un peu épuisée, et j'étais, oui, je frisais l'épuisement en fait. Et puis on sait aussi qu'on est en présence de choses qui nous dépassent, et la nature n'est pas là pour nous plaire ou nous déplaire, mais juste, voilà, la nature. Quand on m'a annoncé la mort de ma petite sœur, là, ça me revient présent tout à fait. J'ai eu le sentiment d'une chute à l'intérieur de l'être, comme s'il y avait un abîme qui s'ouvre sous vos pieds et que vous chutez dans quelque chose d'un puits sans fond, en fait. Comme si toute vitalité s'échappait sous vos pieds, comme s'il y avait une espèce de... Comme un abîme qui s'ouvre, mais à l'intérieur de soi. C'est un peu de l'ordre de l'indicible, c'est une forme d'incompréhension, de... Moi, ça me met les larmes aux yeux, pardon d'en parler. Mais c'est, tout est si bref, en fait. Tout est si fugace. Et peut-être que ma petite sœur m'a agrandi l'âme, ou en tout cas m'a donné de sa vitalité, de sa joie, de sa gaieté. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de vivre pour deux, quoi. Et l'escalade était là pour me permettre de faire des choses belles et pas faciles, parce que c'est dur de grimper. Ah, c'est beau, hein. Le rocher est très très froid. Mais alors, on met la main, on a l'impression que ça adhère tout de suite. Accroche. Ça accroche, oui. Ça colle. un jour que je versais des larmes amères, que fondue en douleur mon espérance allait s'évanouir, et que je me tenais seul auprès de ce tombeau obscur qui détenait l'être de ma vie, solitaire comme aucun solitaire n'avait jamais été, oppressé d'une angoisse indicible, à bout de force, plus rien qu'un souffle de détresse. Alors, du fond des bleus lointains, de ces hauteurs de ma félicité ancienne, vint un frisson crépusculaire et le lien de la naissance, la chaîne de la lumière, se déchira d'un seul coup. Pour la valise, la rencontre avec Sophie, ça c'est une étape très importante. Et tout va commencer là dans sa carrière intellectuelle. Cette jeune fille, elle a 13 ans et demi, qui s'appelle Sophie, dont il va tomber, dit-il, à son frère amoureux en un quart d'heure. Il écrit à son frère Erasmus, il lui dit, tout s'est joué en un quart d'heure, voilà, un coup de foudre absolu, quoi. Et son destin était lié à Sophie. Et il voit en elle l'incarnation de sa, comme il écrit à Friedrich Schlegel, l'incarnation de sa discipline préférée, la philosophie, donc l'amour de la sagesse. Donc voilà, Sophie porte le nom, dit-il, de mes études préférées, la philosophie. Et elle devient aussi l'incarnation d'une sorte de religion personnelle, de cet amour absolu qu'il lui voue. Bon, Sophie meurt 2 ans après, quelque chose comme ça, vers 15 ans à peu près. Et Don Valis est absolument bouleversé par cette mort. Et c'est à cette occasion qu'il va écrire quelques-uns de ses plus beaux textes, parmi lesquels les hymnes à la nuit. Et ensuite son grand roman, inachevé, qui s'appelle Henri d'Ofterdingen. Et tout ça, il l'écrit dans le sillage du deuil, si je puis dire. Et cette expérience de la douleur, eh bien, elle passe par la traversée donc de la nuit, d'une nuit obscure, au terme de laquelle il va voir justement Sophie dans une sorte de vision, un peu comme ça, extatique. Il tient un petit journal de deuil après la mort de Sophie, dans lequel il décrit, c'est un texte tout à fait fascinant d'ailleurs, dans ce journal, il décrit l'avancement de sa souffrance, comme on pourrait tenir soi-même son propre journal de deuil. Au moment où il va au bord de la tombe de Sophie, il rentre, il est désespéré, etc. Et il a une sorte de vision, vraiment, hallucinatoire, qu'il décrit, dont il rend compte, en tout cas, dans l'hymne 3 des hymnes de la nuit. Et c'est le moment où il pleure au bord de sa tombe, et tout à coup, il voit la tombe se disperser, devenir de la poussière, et Sophie, telle une sorte de Jésus qui sortirait du tombeau, lui apparaît, s'élevant dans le ciel. Et Novalis décrit la chaîne de lumière bleue à l'horizon, une sorte de crépuscule finalement, qui accompagne cette révélation de Sophie, son passage dans l'éternité. On nous voit complètement dans le ciel bleu. Des fois, c'est très beau parce qu'il y a des sortes de petites lunules, on appelle ça en escalade. C'est des trous comme ça dans le rocher qui permettraient quasiment d'y grimper, d'y mettre une sangle autour. J'aime bien comme des bracelets de rocher. C'est très joli. Toutes les formes que revêt le rocher, en fait, c'est ça qui est chouette aussi. On a vraiment de la chance avec ce soleil qui sort là. Il ne faut pas grand-chose finalement pour changer un peu de regard sur les choses, quoi. Ein jeder lebt in allem und all in jedem auch. Ein Herz wird in euch wallen von einem Lebenshauch. Tout un chacun vivant en tous, tous aussi vivent en chacun. Le même cœur sera en vous, vivant du souffle seul et un. Au fond, le terme de l'ascension, c'est un absolu. C'est ça la question, finalement. Trouver quelque chose qui dépasse le monde immédiat, Dit dans un de ses textes, nous cherchons partout l'inconditionné, ce qui est un autre nom pour l'absolu, nous ne trouvons jamais que des choses. Et donc il y a cette espèce de frustration inhérente au romantisme, le fait qu'on cherche un absolu et puis on est voué au monde, on est voué à la limite. Donc comment l'atteindre, comment le trouver? On pourrait dire, en prenant un peu de recul, qu'une des questions de Novalis et du romantisme, c'est d'essayer de repenser l'unité entre tous les êtres. Les romantiques, n'oublions pas, viennent dans une période qui est déjà celle de la révolution industrielle, hein, qui est celle de la mécanisation du monde. Donc il cherche, lui, sa façon poétique, philosophique, scientifique, de tenir ensemble tous ces fils pour essayer de repenser la nature radicalement. Novalis, lui, s'intéresse au lien perdu entre l'homme et ce qu'on appelait le cosmos à l'époque. Hein. Et donc, on trouve chez lui des passages assez fantastiques où il évoque cette période lointaine où les arbres, les plantes chantaient. Voilà. Alors, c'est à la fois un peu naïf, hein, et ça dit quelque chose de ce désir de repenser des liens perdus, magiques, réenchantés entre l'homme et l'univers. Hein, et que donc cet absolu, il n'est pas égotiste, il n'est pas égoïste, il n'est pas dans son moi. Il est dans une façon de repenser l'harmonie universelle, je crois. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, si on devait faire un état des lieux? Comment est ce monde dans lequel nous vivons et qu'on peut transformer? Alors, si on fait un état des lieux, prenons un exemple qui est au cœur du débat public, qui est la question du dérèglement climatique. Quand on regarde le dérèglement climatique, on peut voir une double face. Il y a la face qui conduit au réchauffement sur le plan écologique, mais l'autre face du dérèglement climatique, c'est ce qu'on peut appeler une glaciation. Glaciation relationnelle et émotionnelle. Le creusement des inégalités sociales, la montée des peurs, des réflexes identitaires, le fondamentalisme sous toutes ses formes, etc. Ça, c'est de l'ordre de la glaciation. Il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire, si on veut lier la question de la fin du mois à la question de la fin du monde, il faut créer aussi des conditions telles que les personnes comprennent que la lutte pour la justice sociale devient une composante nécessaire de la lutte pour la prise en compte du défi écologique. Alors, quand on veut lutter contre la glaciation émotionnelle, relationnelle, sociale du dérèglement climatique, l'un des enjeux, c'est par exemple des outils très simples tels que réaccéder à sa capacité d'émerveillement. Parce que vous êtes vivant, parce que vous entendez des oiseaux, parce que des personnes aimées sont pas loin de vous, etc. L'énergie créatrice de cet émerveillement va faire qu'ensuite vous serez capable d'affronter, y compris du sombre, voire du tragique. La principale chose, c'est de se reconnecter avec cette force de vie que tout être humain a en lui. Je dis souvent, le seul forage légitime sur le plan écologique, c'est celui qui va vers la nappe phréatique d'eau vive que tout être humain porte en lui. Le problème, c'est que cette nappe phréatique, elle a pu être asséchée, ou alors elle est tellement polluée, ou il y a eu tellement de sédimentation, qu'il faut aller forer pour se reconnecter à cette force de vie. Tu as vu la merveille du monde. Libre à toi de devenir le plus heureux des êtres sur la terre. Nous ne pouvons pas tout vivre, mais nous pouvons tout vivre intensément. Ça change notre rapport à nous-mêmes et à notre propre vie, mais ça change aussi nos rapports aux autres. Parce que si je veux tout vivre, si je veux tout faire, ben évidemment les autres vont être des rivaux, des concurrents potentiels. Si j'accepte de ne pas tout vivre, mais ce que je vis, de le vivre pleinement, intensément, alors à ce moment-là, les autres deviennent des compagnons de route en humanité grâce auxquels je vais avoir accès à des saveurs de vie que moi, je n'aurais pas connues. Vivre à la bonne heure, c'est-à-dire vivre pleinement et intensément ce qu'on vit, tout en acceptant de ne pas tout vivre. Si j'avais à décrire un de mes idéaux, il serait finalement d'actualiser le grand rêve de Victor Hugo, d'une république mondiale, le projet d'une terre pleinement habitable, avec des formes démocratiques et des formes de sagesse qui soient adaptées. Moi, je pense que c'est effectivement un projet politique pour le 21e siècle. Songez-y, quand les temps sont proches, quand l'heure est venue, quand la mesure est comble, savez-vous ce qu'il y a de plus éloquent, ce qu'il y a de plus irrésistible, ce qu'il y a de plus terrible pour commencer les révolutions ? Ce n'est pas M. Thiers signant la protestation des journalistes de 1830. Ce n'est pas M. Odilon Barrot agitant les banquets de 1847. Ce n'est pas Chateaubriand, ce n'est pas Lamartine. Ce n'est pas même Mirabeau, ce n'est pas même Danton. C'est un enfant qui crie à sa mère « J'ai faim ». C'est une expérience rare que de monter comme ça autour de Notre-Dame sur les traces de Hugo, oui. Avec ses marches en pierre un petit peu jaune et usé en leur centre, naturellement, par les pas des visiteurs depuis des siècles. On est sur les terrasses extérieures de la nef, au deuxième niveau de la cathédrale. Et donc là, on a la vue sur la Seine, sur les péniches qui passent, sur le quai et là-bas, au loin, le Panthéon. Le Panthéon, où est la dépouille de Victor Hugo. Parmi les grands combats politiques qu'il a menés et qui sont devenus des réalités aujourd'hui, il y a l'abolition de la peine de mort, qui a été abolie en France en 1980. Ça a été une des premières lois du gouvernement Mitterrand, qu'a fait passer Robert Badinter. Une autre grande cause de Hugo, c'est l'enseignement obligatoire, laïque et public. Un grandiose enseignement public, donné et réglé par l'État, partant de l'école du village et montant de degré en degré jusqu'au Collège de France, plus haut encore jusqu'à l'Institut de France. Les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences. En un mot, l'échelle de la connaissance humaine, dressée fermement par la main de l'État, posée dans l'ombre des masses les plus profondes et les plus obscures, et aboutissante à la lumière. Là, on a un beau mouvement d'élévation, hein, depuis l'ombre de l'ignorance jusqu'à la lumière de la connaissance, rendue accessible à tous. Et là, ce discours, il le prononce en 1850, et il faudra attendre 30 ans pour que cela prenne forme avec les lois Jules Ferry. Hugo aussi militait contre la misère. Et Hugo, qui pratiquait beaucoup la charité lui-même, hein, il a institué des dîners qu'il donnait pour d'abord une dizaine et puis après plusieurs dizaines d'enfants pauvres, lui-même et sa famille, leur donnant à manger et étant leur serviteur. Ce qu'il voulait montrer par là, c'est qu'il fallait finalement remplacer la charité chrétienne par la solidarité publique. Et donc, il est l'un des pionniers de l'assistance publique, au fond. Hugo a aussi milité pour l'égalité entre les hommes et les femmes. dans ses discours sur la misère ou sur la liberté de l'enseignement, il parle de la libération de la femme, qui doit être l'égale de l'homme. Il le répète à plusieurs reprises. Je pense que les utopies pour lesquelles Hugo a combattu sont encore vraiment d'actualité, pour certaines en dehors de chez nous et pour d'autres chez nous aussi. Ein jeder lebt in allen und all in jedem auch. Ein Herz wird in euch wallen von einem Lebenshauch. Voilà, on est assise dans une petite grotte avec la vue sur le soleil couchant. C'est très calme et c'est très beau. Et on va lire un petit passage de Henri d'Ofterdingen de Novalis. On sent qu'il est dans une quête, une recherche d'absolu en fait. Les parois de la grotte ruisselaient du même liquide, qui n'était pas brûlant mais frais, et qui n'y donnait plus qu'une lumière bleuâtre et sourde. Il plongea sa main dans la vasque et humecta ses lèvres. L'envie le prit de se baigner, irrésistible, il se dévêtit, se plongea dans la vasque. Il lui sembla s'être enfoncé dans un nuage pourpre du couchant. Un sentiment intérieur de délice céleste l'envahit. Ce qui, pourtant, le fascinait, avec la force irrésistible d'un charme tout-puissant, c'était, et ici même, tout auprès de la source, une fleur élancée et d'un bleu lumineux qui l'effleurait de ses larges feuilles resplendissantes. La fleur, alors, se pencha vers lui. Et ses pétales épanouis se déployèrent en une large collerette bleue qui s'ouvrait délicatement sur les traits exquis d'un doux visage. Dans un étonnement émerveillé et délicieux qui ne cessait de croître, il suivait la métamorphose singulière, quand brusquement il fut réveillé par la voix de sa mère et se retrouva là, sous le toit paternel, dans la chambre commune où le soleil matinal déjà mettait son or. Peut-être que la vasque, en fait, pour moi, serait un beau feu, pas forcément un feu de joie immense, mais un petit feu comme ça qui vous réchauffe dans une grotte. Et pour vous, c'est quoi la vasque d'or ? C'est une lumière qui me nourrit. À la fois par sa clarté, mais aussi par sa chaleur. Alors aujourd'hui, c'est un peu bizarre, parce que c'est un jour sans ombre. C'est assez inquiétant, je trouve, ces temps-là. Vous savez, gris, enfin blanc, gris, un peu crayeux. Il n'y a pas de nuages non plus. C'est absolument blanc, comme un tableau, hein, blanc, enfin... Ce ciel-là, on ne peut pas vraiment s'y perdre. Il est peut-être propice à un retour en soi-même. Aller chercher en soi cette lumière, comme les romantiques l'ont fait, finalement. Avec Stéphanie Boudet, Florence Nogrette, Olivier Schaeffer, Patrick Vivray. Merci à André Finot de Notre-Dame de Paris, à Olivier Roriche et Frédéric Brun. Avec les voix de Pierre-Marie Baudouin, L'Homme Romantique, Wolfgang Pissors et Lison Pinet. Prise de son Cyprien Delimerville, Benjamin Chauvin et Guillaume Ledu. Mixage Éric Boisset. C'était quelque chose en nous du romantisme, s'élever vers la lumière. Un documentaire d'Élise Andrieux, réalisé par Véronique Samouilov. Amoureux fous, poètes maudits, âmes enfiévrées, amants malheureux et promeneurs rêveurs, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter dans une grotte, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez nous podcaster sur toutes les plateformes et nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et la semaine prochaine, nous irons nous pencher sur le cas des mineurs enfermés. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière et Une vie, une œuvre.